sur Perceval de Mai Plouzeau dans le cadre d'une unité d'enseignement codée LMD 150 à l'Université de Provence. Enregistrement numéro 6, Monsieur Joël Bertin assure la prise de son. Nous allons donc nous interroger sur le statut social des escuyers dans le roman de Perceval de Chrétien de Troyes. Cette interrogation est importante parce que le statut de ces personnages a évolué au cours du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, le terme escuyer en vient même à désigner un titre dans le cadre, j'oserais dire, des échelons de la noblesse. J'ai donc rappelé la date de composition du Perceval de Chrétien de Troyes, fin du XIIe siècle. Nous sommes loin de la fin du Moyen Âge et nous allons donc très consciencieusement examiner ce que nous dit le texte. Ce que nous dit le texte globalement, c'est que les escuyers n'occupent pas le haut de l'échelle sociale. Voici la preuve directe. Partant en expédition, Gauvain, nous apprend-on, cet escuyer mène aveugle lui et sept destriers et deux escuses vers 4776. Je traduis, il emmène avec lui sept écuyers et sept chevaux de combat et deux boucliers. Les termes escuyer, destrier et escuse, donc des instruments de travail de Gauvain, le guerrier, sont sur le même plan. Nous avons vu plus haut les escuyers s'activer à des tâches matérielles. Ajoutons qu'au vers 5506, celui qui amène en destre, c'est-à-dire conduit en le tenant à sa droite, un cheval, conduit un cheval capturé par le chevalier Gauvain, non pas un cheval à lui-même. Enfin, l'escuyer, dès vers 6738 et suivants, dont les fonctions ne paraissent pas décrites, arrive sur un roncin, c'est-à-dire sur un mauvais cheval, sur un cheval de charge. Voilà qui dénote un personnage qui n'est pas de haut rang. Fort de ces observations, nous pouvons revenir aux deux passages qui ne renseignent pas sur leur activité. Quand Perceval, donc, quitte le château du Graal, après s'être éveillé au petit matin, il prend seul ses armes. L'os monte et vête par toutes les anses et n'y trouve nul des sergents. Escuyer ne valet ni vouet. L'autre épisode se déroule pendant que Perceval rêve sur les gouttes de sang. Percevaus sur les gouttes muse, toute la matinée use, tant que hors des tentes issir, escuyer, qui muser le vire, et quiderent qu'il somiliast. En suis que l'irues s'esveliast, qui encore gisouet en son trait, on l'y escuyer, encontré devant le pavillon Leroué, Sagremort, etc. le mot escuyer apparaît ici au vers 4192 et 4196. Je traduis les tout derniers vers de cette citation. Avant que le roi ne s'éveillât, lequel était encore couché dans sa tente, les écuyers ont rencontré devant le pavillon du roi Sagremort, etc. Sagremort est un personnage. Nous sommes le matin, le roi dort encore. Qui émerge des tentes? Les écuyers. Et dans la vie, qui se lève avant les autres? Les subalternes. Donc, quand on nous dit de Perceval errant dans le château du Graal au matin, qu'il n'y trouve nul des sergents, escuyer ne valet ni vouet, vers 3373, cette mention confirme que les escuyers sont bien des auxiliaires. En résumé, dans le Perceval de Chrétien de Troyes, tel que nous pouvons l'appréhender dans l'édition de Monsieur Lecoix, les écuyers sont des auxiliaires. Les tâches qu'on leur voit accomplir ont trait aux âmes et aux chevaux, et rien jusqu'ici ne permet de supposer qu'ils soient nobles. J'irai plus loin. Ces personnages que jusqu'à maintenant nous voyons subalternes ne sont pourtant pas dépourvus d'individualité. On dialogue avec eux, parfois assez longuement, mais toujours pour les utiliser, leur soutirer des renseignements, de l'aide ou un cheval. Par ailleurs, le texte nous donne un petit portrait de deux d'entre eux. L'un, dont du reste l'attitude dénote celle d'un bonnet, est Tchoff, vers 5082. Il est chauve. L'autre a les cheveux rousses, cheveux roux, au vers 6744. Dans les stéréotypes médiévaux, ces personnages ont tout pour plaire. Je devrais encore faire un sort à trois passages précis. En attendant, nous allons intégrer l'examen des données collectées jusqu'à présent à ce qu'on lit par ailleurs de l'histoire du mot écuyer. Ce qui veut dire que je m'engage maintenant dans un tout petit paragraphe de perspective historique sur le développement de certaines des significations et sur l'étymologie de ce mot. Ensuite, je reviendrai à notre Perceval. Les perspectives historiques, je vous rappelle, j'essaie de ne les aborder que dans la mesure où elles s'éclairent de l'étude que nous fondons sur le texte au programme. Allons-y donc. L'étymone que je cite à l'accusatif singulier, l'étymone latin, scutarium, désigne celui qui a affaire à des boucliers, à des écus, et le mot écu se dit en latin scutum. Vous voyez qu'au plan sémantique se conserve un lien étymologique, puisque l'écuyer de notre texte est à l'occasion explicitement porteur d'armes, comme on dirait porteur de serviettes. Par ailleurs, vous savez qu'au cours de l'histoire, les mots écuyer et sa famille, en particulier écuyerie, devenue écurie, ont vu leur sémantisme lié de très près à ce qui a trait aux chevaux. Or, ce texte-ci nous montre que escuyer et chevaux ont partie liée également. Enfin, à une certaine période de son histoire, le mot escuyer s'est développé selon une ligne sémantique qui l'a amené à devenir une appellation liée à un titre honorifique. Comme l'écrit Lucien Foulet dans son Glossary of the First Continuation, l'écuyer, je cite, n'est pas encore l'écuyer qu'on retrouve chez Froissart, à qui il ne manque guère que le titre de messire, peut-être à peu de choses près, d'égal d'un chevalier. Je relis cette citation et je la situe dans son contexte. Lucien Foulet, dans son Glossary de la First Continuation, s'intéresse au fonctionnement du mot écuyer dans la première continuation de Perceval, roman en vers très long, hein, écrit donc peu de temps après le Perceval de Chrétien III. Donc je relis donc la citation, parce que j'ai commis quelques erreurs. Donc l'écuyer que nous rencontrons dans la première continuation, j'ouvre les guillemets, n'est pas encore l'écuyer qu'on trouve chez Froissart, à qui il ne manque guère que le titre de messire pour être, à peu de choses près, l'égal d'un chevalier. Je me demande si un passage de notre texte de Perceval ne laisserait pas supposer que se trouve là en germe la possibilité de ce développement, c'est-à-dire un passage où l'on pourrait supposer que l'écuyer est un petit noble. L'escuyer du vers 5506 qui amène un cheval pris par Gauvin, nous le voyons auparavant désigné par le terme de valette en 5466. Or, une étude du mot valette dans Perceval montre en de nombreux endroits que les valets sont des jeunes gens destinés un jour à devenir chevaliers. Mais peut-être aussi valet serait-il ici apprendre dans son sens courant de jeune homme, et dans ce cas, il n'y aurait pas lieu de s'attarder sur cette occurrence pour supposer que l'escuyer de 5466 est un jeune homme noble. Car aucun des autres passages de Perceval ne laisse penser que l'escuyer de ce texte soit autre chose, en somme, que, je cite, le valet d'écurie qu'il semble bien avoir été au début de sa carrière. Fin de citation, qui est extraite toujours de Lucien Foulet dans son glossary de la première continuation à propos du mot escuyer. Après cette petite étude, peut-être pouvons-nous lire avec des yeux neufs deux passages portant le mot escuyer. Quant au petit matin dans le château du Graal, Perceval ne trouve nul des sergents, escuyer ne valet ni vouet, vers 3373, si nous acceptons la définition d'escuyer qui découle du simple examen des occurrences parlantes de ce mot dans le texte, comme valet d'écurie attaché aux armes et aux chevaux, nous voyons surgir trois catégories d'hommes qui rendent service, dont les fonctions se définissent par un examen attentif des passages où ils apparaissent. Donc, ces trois catégories sont sergent, escuyer, valet. Il nous manque ici garçon et également chambellan, deux mots non absents de Perceval, lesquels complètent un peu le tableau des auxiliaires masculins qui rendent possible la vie des grands de ce monde. Le deuxième passage est celui qui nous a servi de point de départ. Sergent, Führer et Escuyer, cinquante qui la nuit veillèrent vers 1926. Étant donné leur fonction, on peut s'étonner que des escuyers soient chargés de veiller sur un château plus ou moins en état de siège. En fait, il faut savoir que le roman de Perceval de Chrétien de Troyes, dans l'état où nous le connaissons, subsiste dans une dizaine de manuscrits. Or, sur ces manuscrits, deux seulement, à l'endroit correspondant à notre vers 1926, ont ici le mot « escuyer ». Tous les autres portent le mot « chevalier ». C'est ce que l'on constate à consulter l'édition de M. Barsby de Perceval. L'on comprendrait donc qu'il y a ici un nombre indéterminé de sergent à côté de 50 chevaliers et non pas 50 escuyers. Précisément, les 50 chevaliers dont on nous dit au vers 1999 qu'ils ont réchappé des combats. Comme quoi, l'examen tout simple, mais attentif, des occurrences d'un mot en vue de ce qui, dans un contexte de préparation à des concours, par exemple, pourrait ressembler à une simple question de cours, cet examen, en fait, nous conduit à nous intéresser de très près à ce qu'on appelle la tradition manuscrite d'un texte et même à devenir critique de la façon dont le texte est édité. J'en viens maintenant à une étude du mot sergent dans notre texte de Perceval édité par M. Lecoix. Tout d'abord, que font les personnages dénommés sergent? Les contextes parlants nous les montrent. Premièrement, au château du Graal, soulevant une coute pour déplacer le roi pêcheur qui est assis dessus ou dedans. Deuxièmement, à Beaurepaire, quatre sergents ouvrent la porte à Perceval, la lourde porte du château, le conduisent à travers la ville, le font descendre de cheval et lui ôte ses armes. Voyez le vers 1737 et suivant. Troisièmement, un sergent est dit avoir ôte-six huit mains d'une saillette un chevreuil, c'est-à-dire tué ce matin d'une flèche un chevreuil, vers 1914. Quatrièmement, Gauvin, arrivant à Escavalon, voit un cortège consistant de sergents qui ars et saillettes portuent vers 5644, qui portaient des arcs et des flèches. Vous voyez que nous sommes allés de l'intérieur vers l'extérieur et aussi de la non-violence vers la violence dans l'examen de ces quatre occurrences. Dans le reste des occurrences dont les contextes sont explicites, des sergents veillent la nuit sur Beaurepaire vers 1926, dont nous avons parlé à propos de Escuyer tout récemment, et sont associés à des opérations militaires, y compris, semble-t-il, pour ôter, c'est-à-dire pour tuer. Voyez les vers 2430-4912. J'ai classé les fonctions du sergent dans Perceval, du civil à l'incivil. Il nous en restera quelques-unes à examiner. Leur tâche n'est donc pas du tout, mais alors pas du tout, celle des escuyers. Si nous voulons préciser, nous pouvons examiner les mots désignant les personnages masculins aux fonctions subalternes avec lesquels apparaissent les sergeants. Nous avons donc sergent, Führer et escuyer, Zinkant, qui la nuit veillère, vers 1926. Pour le copiste du manuscrit de base du Perceval de Monsieur Lecoy, pour ce copiste Guillot, donc, les sergents et les écuyers sont des mots qui ne désignent ici pas les mêmes catégories de personnes, peut-on supposer. Nous avons aussi, au château du Graal, Perceval qui n'y trouve nul des sergents, escuyer ne valet ni vouet, vers 3372. Et nous avons et bons sergents et bons archers, vers 4912. Et enfin, dans le cortège se dirigeant vers Escavalon, garçons à pied qui tiennent menouille et vont le ours après venouille qui portouille espiètes tranchants. Après, hot archers et sergents qui ars et saillettes portouille. Les sergents sont cités avec des gens qui rendent des services à la chasse ou dans les combats. J'ai gardé pour la fin la mention d'un autre groupe d'hommes avec qui ils apparaissent, à savoir les chevaliers. Premièrement, dans des rodomontades de Clamadeus, les voici. Nous avons ici de gens élites, 500 chevaliers toutes armées, et 1000 sergents bien attournés, si les prendront comme gens morts. Traduction du dernier vers, nous les prendrons comme des gens morts, vers 2430. Deuxièmement, avant un tournoi, dans des paroles, au style direct également. Vous avez bons chevaliers et bons sergents et bons archers qui lour chevaux, lour hot sirent, vers 4912. Et enfin, le cortège vers Escavalon déjà mentionné, qui se termine comme suit, après hot archers et sergents qui ars et saillettes portuent et après chevaliers venuent, vers 5644. On pourrait exciper des passages qui comportent à la fois les mots sergent et chevalier pour soutenir que les sergents sont plus que des subalternes. Ce qui doit en fait faire exclure cette interprétation, ce sont les faits suivants. Premièrement, précisément ceux des passages qui décrivent les tâches des sergents et que j'ai énuméré ci-dessus. Deuxièmement, les chiffres. Si nous avons 500 chevaliers pour 1000 sergents au vers 2429-2430, c'est que ces derniers sont bien moins précieux que les premiers et donc de peu d'importance. En résumé, que peut-on tirer dans un premier temps du texte? Que les sergents sont des serviteurs, des domestiques, comme traduisent avec un bel ensemble et peut-être un peu suspect les glossaires des éditions Roach et Busby de Perceval. Et d'autre part, que au combat, les sergents sont des auxiliaires des chevaliers. Ce qui fait difficulté pour nous, c'est que nous sommes gênés pour trouver en français d'aujourd'hui un mot unique qui traduise sergent dans ses multiples contextes. Je poursuivrai lors de l'enregistrement numéro 7 mon examen des occurrences de sergent et chevalier dans le texte, car je n'en ai pas encore extrait toute la substance.